Nzete ebetela nkake ebangaka te likolo yinda osaka ngele mokolo emolai kozanga koyeba eya liwa ya ndambo Ataba yini baina ayo lelia pardon Pierrot ma vume Soki so signa muto na moto ima Tiko sala kae zala zala Akoyoko ma chien méchant Ko so soa batu partout partout E kacha kacha kanga les Stéphanie Stéphie tcha kanga les E don Pierrot ma vume sala kanga